Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire des clubs privés de chasse et pêche au Québec. Je tiendrais n'importe quoi pour embarquer sur la rivière dans un boat. Mais que là, dans le moment, c'est enrageant pour nous autres. On veut passer des boats, puis les Américains pêchent, puis les autres, ils mangent seulement, puis nous autres en passent. Moi, c'est ça que je trouve qui n'est pas correct du long de cette rivière-là. C'est. Ce que vient de décrire ce pêcheur de Sainte-Florence dans la Matépédia à l'émission Format 60 en 1970 résume parfaitement l'injustice sur laquelle a reposé pendant un siècle la gestion des forêts et des rivières pour fins récréatives au Québec. Jusqu'au milieu des années 70, pour chasser ou pour pêcher au Québec, il fallait en gros être membre d'un club privé, des clubs auxquels l'adhésion était très coûteuse, longtemps réservée à une riche clientèle américaine et à l'élite anglophone du Québec. M. Mascotte, le régime des clubs privés dans le Québec existe depuis quand? Depuis au moins 100 ans. Il y a combien de clubs dans la province? 2000 clubs privés environ. Et ce régime depuis 100 ans, est-ce que ça a été modifié pour la peine depuis 100 ans ou c'est à peu près semblable? C'est à peu près semblable. Et qu'est-ce que ça donne, ça, comme droit et privilège d'obtenir un permis de club privé? Ben, ça donne l'usage exclusif des droits de pêche et de chasse sur le territoire qui est délimité par les termes du bail qu'on accorde. Lorsque vous avez votre charte de club privé, est-ce que ça vous donne droit de possession du territoire, du sol lui-même? Non. Le sol lui-même, le fond de terre, ce qu'on peut appeler le fond de terre, le lot ou les lots sur lesquels les droits sont donnés, demeure toujours la propriété de la couronne. Afin que le public respecte, n'est-ce pas, ce bail qui est conclu entre le club privé et le gouvernement, quelles sont les amendes qui peuvent être donnez à ceux qui enfreignent les lois du club, c'est-à-dire qui vont pêcher ou chasser chez vous. Si quelqu'un est pris à chasser sur un territoire privé qui n'a pas l'autorisation des autorités du club, à ce moment-là, il peut être condamné à une amende et, à défaut du paiement d'amende, à un terme d'emprisonnement. Le président de l'Association des clubs privés, Jean-Paul Massicotte, à l'émission Aujourd'hui du 19 octobre 1964, pour nous raconter l'histoire de ces clubs privés de chasse et de pêche au Québec. Je reçois l'historien journaliste au quotidien Le Devoir, Jean-François Nadeau. Jean-François Nadeau, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente, ces clubs privés de chasse et de pêche dans notre histoire, puis plus que ça, Jean-François, dans notre imaginaire collectif? C'est extraordinaire, vous trouvez pas comme histoire? C'est l'histoire par en dessous, d'une certaine façon. C'est les gens qui se font déposséder de leur terre elle-même, hein? Au nom de quoi? Au fond d'un régime seigneurial qui se perpétue. C'est le Moyen-Âge dans son extension en Amérique, au Nouveau Monde. Hein? C'est l'idée que, comme on l'a depuis 1000 ans à peu près, garder la forêt pour l'apanage des puissants. En l'occurrence, en Europe, c'est les rois qui ont la mainmise absolument sur le gibier. Pourquoi? Oui. Parce que c'est un exercice de guerre, la chasse. Hein? Chasser, c'est un plaisir, c'est le plaisir de la noblesse, mais c'est un exercice qui est préalable à l'exercice des armes, du combat, tout ça. C'est pour ça que ce sont les militaires, les gens en armes, la royauté qui va exercer ce privilège-là. Même le bois, vous vous imaginez, on n'a pas le droit de le cueillir pendant très longtemps. Alors, lorsque les gens débarquent ici pour la première fois, ils ont de la viande, comme ils veulent, ils ont du bois aussi. Ouais. Et on le voit au moment de la Révolution française, si on retourne de l'autre côté de l'Atlantique, les premières journées suite à la Révolution où les gens ont le droit de chasser, ils se rendent malades à force de manger de la viande parce qu'ils n'ont jamais pu en manger autant que là. Alors là, tout d'un coup, on redéveloppe ici, à partir de 1854, c'est officiellement l'abolition du régime seigneurial, ces grandes bandes de terres. Là, on nous apprend ça à l'école, au secondaire, comment les terres de la vallée du Saint-Laurent sont constituées. Mais on dépend d'un seigneur, les terres dépendent de lui aussi. Et les clubs de chasse et pêche ont un peu une forme de prolongement de cet esprit-là, à tout le moins, sous un autre régime de droit, qui est celui d'un constat assez clair qu'avec la nature, ça ne va plus tellement. On a les chiffres officiels. Il faudrait voir les chiffres officieux du nombre de bêtes qui sont détruites littéralement pour leur fourrure. Le rat musqué en 1871, des chiffres officiels du gouvernement ont dit qu'on en a traqué, abattu 184 000, les castors 36 000, les visons 19 000, les martres 11 000, les renards 5 000, les orignaux 6 000. Ouais. Alors, on commence à se rendre compte que le gibier, ça baisse. Et donc, c'est cette inquiétude. Il y a deux choses. Bien sûr, on va perpétuer une nouvelle forme de régime seigneurial, un privilège accordé aux riches, aux gens qui ont de l'argent et du pouvoir. C'est eux qui auront accès à ces forêts où on peut chasser, ces rivières où on peut pêcher. Mais il y a... Au départ, je ne sais pas si c'est candide de le voir comme ça, mais il y a un réel souci. À la fin du 19e siècle, ça commence à se développer beaucoup, ces clubs-là, parce qu'on se dit on ne peut pas continuer d'abattre autant de gibier. Il faut protéger la faune et on confie ça à des gens qui vont créer des clubs privés. C'est un peu ça, la logique. On fait un peu une sous-traitance. Hein? L'État, comme en toute matière à cette époque, ne se sent pas le pouvoir ni le devoir d'intervenir lui-même. Donc, il fait un peu de la sous-traitance. Ce n'est pas une préoccupation écologique du temps présent qu'on pourrait projeter aussi facilement sur le 19e siècle. C'est beaucoup des gens qui ont profité de ces plaisirs-là, oui. auxquels est associé le bénéfice de leur classe sociale, qui tentent de le préserver sous un nouveau cadre. Hein? Oui. Et les gens du gouvernement appartiennent à ça. C'est encore vrai aujourd'hui dans une certaine mesure, mais à l'époque, ça l'est d'autant plus. On a affaire à des gens qui sont très intimement liés à l'entreprise, à des gens qui aiment pour leur loisir se retrouver dans des clubs de chasse et pêche qui sont gracieux. On est loin de la cabane en bois au Canada. Oui. Là, c'est des espaces néo-victoriens ou purement victoriens, carrément. Très décorés, de grandes maisons auxquelles on n'accède pas facilement, où on a le plaisir pour soi d'une nature qui est idéalisé dans l'esprit romantique du 19e siècle puis dans l'esprit nord-américain de façon générale aussi. Donc, en ayant accès à ça, on préserve d'une certaine façon les privilèges qui ont été les nôtres jusque-là. Donc, il y a ça beaucoup aussi dans l'esprit de constituer des sortes de réserves, mais qui ne sont pas réservées à tout le monde. Ce n'est pas une réserve pour le public, ouais. c'est une réserve pour quelques-uns. Mais encore une fois, avec l'aval du gouvernement, il y a des lois qui vont être adoptées au 19e siècle, 1858, 1885, qui favorisent, non seulement, c'est même pas de la tolérance, on favorise la création de ces clubs-là, parce que, comme vous le disiez, on sous-traite, on se dit, ces gens, il faut protéger ces espaces-là, et c'est pas au gouvernement de le faire. C'est ça l'esprit du temps. Oui, il va y avoir une trentaine de ces clubs-là à la fin du 19e siècle, puis ça va être exponentiel. En 1941, il y en a 600 au milieu des années 60 et encore au milieu des années 70, avant qu'on mette un terme à tout ça, il y en a près de 2000. Ce qui veut dire que les citoyens, de façon générale, où qu'ils se trouvent, bien qu'on ait affaire à des terres dites publics, oui. n'ont pas accès au territoire, n'ont pas accès à l'eau, parce que comme on l'entendait dans l'extrait sonore tout à l'heure, dans l'archive, oui, en théorie, le fond de terre demeure celui de la couronne, mm-hmm. mais vous n'avez plus accès. Et les gens qui sont là ont les dents longues, hein, préservent très farouchement le bénéfice de ce privilège qui leur a été accordé. Et en général, ce privilège-là parle une langue, il parle anglais. Oui, parce que c'est très cher, il faut le dire. Une façon de couper le monsieur, madame, tout le monde de l'accès à ces clubs, on ne veut pas qu'ils soient là. C'est quoi? C'est des gens d'affaires, des anglophones beaucoup, et ça coûte très cher. Oui, beaucoup d'Américains qui vont venir, hein, qui sont guidés à l'île d'Anticosti, par exemple, ou sur les terres de la Gaspésie, hein, qui sont guidés par des gens locaux qui connaissent, par exemple, le saumon. Hein, le saumon qui va être un sport qui est très prisé chez les gentlemen. Hein, ça se développe beaucoup à partir du début du 20e siècle. Vous avez toutes sortes d'annonces dans les journaux de ce sport nouveau, alors qui auparavant, c'est la survie. Les Autochtones pêchent le saumon avec ce qu'on appelle un nigog, qui est une espèce de harpon à trois pointes. C'est pour manger, c'est pour, ouais. c'est pour se nourrir, c'est pas pour le plaisir. On commence à associer ça à celui de l'homme affecté à ses loisirs. Il y a un côté réflexif, un retour à la nature. On a les bottes dans l'eau et on peut être bien habillé aussi. Hein. Il y a le côté gentleman qui est là et on est guidé. Hein, c'est un peu le retour au fond des bois, mais par la grande porte de l'aristocratie. Avec des figure importante aussi. Vous parlez de ces manières aristocratiques, mais au fond, c'est nos aristocrates à nous qui vont être sur ces rivières à saumon, des présidents des États-Unis. Il y a tout ça, là, cette légende autour de l'âge d'or des clubs de chasse et pêche. C'est le gratin qui s'y retrouve. Je parlais de président, mais c'est vrai, là, il y a plusieurs présidents américains qui vont venir régulièrement pêcher, chasser au Québec. Oui, oui, oui, tout à fait. Theodore Roosevelt va venir. Et c'est une aristocratie qui se veut telle aussi. Hein. Ici, ce sont des gens qui décident de s'associer à ce style-là. Ils n'en ont pas forcément l'envie. Souvent, ce sont des gens urbains qui découvrent ça comme d'autres découvrent la musique classique ou le théâtre pour meubler leurs loisirs. Hein. On est si empreint d'un profond ennui de sa vie qu'on décide tout d'un coup de l'extrapoler dans des termes naturels qui sont en vogue au 19e siècle. À cette époque-là, comme aujourd'hui, on ne décide pas tout de la vie sociale. Hein. Il y a des modes qui déterminent un peu comment ça va aller. Et celle-là, c'en est une, celle de la chasse dite sportive, comme de la pêche dite sportive, qu'on va pratiquer un peu partout. Vous disiez qu'on est loin de la cabane au Canada, qu'il y a des clubs où vraiment, c'est presque des manoirs dans lesquels on se retrouve. Il y en aura au pic 2000, hein, c'est ce que vous nous disiez. Qu'est-ce qui reste de ça, de ce patrimoine bâti? On parle beaucoup de patrimoine dernièrement. Qu'est-ce qui reste du patrimoine bâti de ces clubs privés, Jean-François Nadeau? Il y a un certain nombre de ces chalets-là, de parcs même de la société d'État, là, des CEPAC qui originent de ça. Hein, on a la seigneurie du Triton qui existe encore aujourd'hui, qui est une des plus célèbres, hein, qui remonte aux années 70, le Triton Fish and Game Club, hein, où Harry Truman, Winston Churchill, toute la famille Molson, les Rockefeller vont débarquer. Ils sont là dans des immeubles très bien garnis. Hein. C'est des chalets énormes, très confortables, des cottages surdimensionnés, avec tout le confort qu'on peut espérer. Les spiritueux, bien sûr, les bons vins, des cuisiniers, des services. On n'est pas dans un univers de mouches et de brûlots. Là. Ouais. On a toutes les commodités et bien sûr, ces gens-là n'arrangent pas leurs poissons ou leurs gibiers. Ils sont là que pour profiter de les beautés que leur confèrent leur titre et leur argent. Oui. Ça va, évidemment, ça heurte. Vous en parliez, on l'entendait au tout début de l'émission, ce pauvre pêcheur qui se morfond, qui voit les Américains pêcher tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils peuvent dans cette rivière de la Matapédia. Frustration, grognement, tension, manifestation. Ça commence quoi, dans les années 60-70? On va revenir sur ce virage vers la démocratisation, comment ça va se faire dans un instant, mais pour nous mettre en appétit, je vous propose d'écouter d'abord Marcel Boily et Henri Poupart qui racontent à Mario Cardinal justement une action qu'ils viennent d'organiser, une action de contestation qu'ils ont organisée dans un de ces clubs de chasse et pêche à l'émission Présent du 2 juillet 1970. Et juste après, vous allez entendre un extrait de l'émission Format 60, même année, le 11 août 1970. Et là, vous allez entendre débattre l'animateur Roger Beaulieu, qui est membre d'un club privé de chasse et pêche, et le chroniqueur chasse et pêche, Serge Desdelin, sur l'existence justement de ces clubs privés au Québec. Il y avait effectivement quelques membres qui étaient là. On les a vus, on les a entrevus, c'est-à-dire il y avait entre autres un des membres qui venait de l'Ontario et quand il a vu arriver 350 personnes là, qui ont envahi le club d'un coup sec, à ce moment-là, le bonhomme a pacté ses petits et il s'est retourné chez lui. Donc hier, vous vous êtes présenté au club, 300 personnes, et il n'y avait là que les gardes-pêche qui vous ont laissé faire. C'est ça. Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement les gardes-pêche, il y avait effectivement la présence de la police provinciale. C'est l'escouade anti-émeute de la police provinciale, une vingtaine de policiers provinciaux, en plus de 16 gardes-chasse. Mais qui ne sont pas intervenus. Qui ne sont pas intervenus. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression là, d'opérer dans l'illégalité, étant donné qu'il y a des règlements provinciaux qui permettent l'existence des clubs privés? Oui. On sait que c'est illégal d'aller pêcher sur les clubs. Mais quel autre moyen de pression avons-nous? Je crois que depuis 10 ans, on parle de l'abolition des clubs. Et puis, plus on en parle, plus on en ajoute. Je crois, moi aussi, que les terres de la couronne appartiennent à tout le monde. Mais sous certaines conditions, bien sûr. Lesquelles? Ben, mon Dieu, le gardiennage, le réensemencement et des tas de choses, et la protection, parce que je fais partie d'un club qui s'appelle le Club de protection de... Vous êtes président d'un club de protection, c'est-à-dire que vous protégez le gibier à votre intention. C'est très bien, on vous en félicite, seulement ça fait assez longtemps que vous protégez le gibier pour vous, et vous l'avez bien fait, j'espère que vous avez ensemencé énormément, j'espère que vos lacs sont dans le même état aujourd'hui qu'il l'était il y a 25 ans. Par conséquent, vous allez nous remettre un territoire en excellente qualité incessamment. Deux extraits d'émission, Jean-François Nadeau, qui ont été diffusés en 1970. C'est à peu près à ce moment-là que ça commence vraiment, que la grogne se fait sentir. Ça devient une question d'actualité très chaude. Là. Même au début des années 60, c'est dans les programmes politiques d'un parti comme le Rassemblement pour l'indépendance nationale, d'ailleurs, qui en fait un cheval de bataille. Les clubs, il faut les redonner aux gens. Les terres appartiennent à tout le monde. Le gibier, le droit d'accéder au territoire appartient à tout le monde. Il faut dire qu'encore au milieu du 20e siècle, on a une conscience, une mémoire dans la mémoire populaire reste sorte le savoir qu'il existait encore, même au sud, dans un territoire comme les cantons de l'Est, par exemple, un accès à une pêche qu'on ne pratique plus qu'au nord chez des gens fortunés. Oui. On pêchait, par exemple, le saumon jusque vers 1875-1880 en face de l'université. Tout le monde, Bishop, tout le monde pouvait oui, pêcher. On pouvait, ou à Bishopton, il y a plusieurs rivières du sud du Québec qui s'appellent des rivières au saumon, des formulations qui rappellent le saumon. C'est pas pour rien. Il y avait effectivement des saumons jusque dans l'État de New York à cette époque-là. Ouais. Et c'est des hommes d'affaires qui ont harnaché ces rivières-là, qui les ont utilisées pour la flotte du bois, par exemple, ou pour des pouvoirs d'eau, comme on disait à l'époque, pour des usines de lainage, par exemple, ou du tissage, ouais, qui les ont pollués, qui se sont, eux, enfuis avec des territoires dans le Nord un peu pour profiter de ce qu'ils avaient en partie détruit eux-mêmes par leur pratique. Donc, ce paradis perdu, il fait partie de la mémoire collective. Et là, on se retrouve dans, non seulement on ne peut plus, et en plus, avec une injustice qui s'est rajoutée à partir de la fin du 19e siècle, où on n'a plus, là où il y en a encore, du saumon, par exemple, on n'y a plus accès. Comme le Kidam ne peut plus aller pêcher le saumon dans une rivière à saumon. Ben, on dit qu'on peut y avoir accès, mais à condition de payer très, très cher, ce que les gens n'ont pas les moyens. Donc, il va se développer toutes sortes de gens qui, d'un coup, sont traités d'illégaux, de braconneurs. Mais il faut dire qu'au fond, ils avaient toujours fait ça. C'est leur statut qui a changé du jour au lendemain. Hein, la possibilité de se nourrir par un territoire aussi vaste, tout d'un coup, leur est enlevée. Et ça va changer. Il y aura des politiques. On va commencer à créer des parcs nationaux. Puis il faut le dire, c'est le contexte politique est important. Vous parlez du RIN qui en fait... ça devient un peu une question symbolique parce qu'effectivement, accepter ce régime-là, c'est accepter la domination des riches, souvent anglophones. C'est le nationalisme aussi. Là. Ça participe. Le contexte, c'est ça. C'est la montée du nationalisme québécois. Le PQ va changer les choses. C'est le gouvernement qui va changer les choses en 77. Donc, une idée de démocratiser aussi, là, une idée plus progressiste autour de ça. Oui, bien sûr. C'est le Parti québécois de René Lévesque qui vient de Gaspésie, hein, même s'il est né au Nouveau-Brunswick. René Lévesque qui a bien conscience de ça parce que c'est un territoire qui a été beaucoup éprouvé par ce type de club de chasse et pêche-là, la Gaspésie. Mais il y a aussi, au fond, ce que les Autochtones réclament eux-mêmes depuis longtemps, c'est-à-dire que la possibilité d'accès au territoire, c'est un principe naturel, général, qui est consenti aux habitants du territoire. On l'a enlevé aux Autochtones aussi. Donc, c'est une double forme de colonialisme qui s'installe à l'égard du plus grand nombre des gens qui vivent sur ce territoire, qu'on ne peut plus supporter et que, conséquemment, on va mettre la hache là-dedans dans les années 70 avec le Parti québécois. Mais il y a un bon fonds de commerce de ça qui tend à rester, à revenir. Périodiquement, on a des traces de ça qui demeurent dans le territoire. Hein. Il y a beaucoup de compagnies qui ont accès à des clubs particuliers qui restent, au fond, l'apanage des mêmes membres qu'autrefois et qui ont développé, selon le contexte d'aujourd'hui, une façon de faire qui ressemble étrangement à celle d'hier. Puis on va y venir à ce que c'est aujourd'hui. Puis effectivement, c'est assez trace encore de ce vieux régime. Mais un petit mot pour comprendre ce que va faire précisément ce fameux virage que va faire le Parti québécois. Ça va vouloir dire quoi concrètement, Jean-François Nadeau? Qu'est-ce qui va changer avec cette loi adoptée par le Parti québécois? Bien, jusqu'en 1978, au moins 1200 lacs au Québec sont encore inaccessibles pour la population. Ça, c'est 37 000 km² de territoire qui demeure soumis à l'emprise de quelques personnes qui exercent une autorité que le plus grand nombre juge illégitime. On va mettre la hache là-dedans. On va dire, bon, ça redevient des terres publiques. On va faire sur un certain nombre de ces terres-là des parcs publics. Une partie des territoires aujourd'hui de la CEPAC sont issus d'une partie de ce territoire-là et même un certain nombre de lieux aujourd'hui qu'on peut louer, là, réservés auprès du gouvernement pour passer des vacances, faire du camping, proviennent de cet héritage-là. Et le PQ va être assez, prudent parce que, en fait, la nuance, l'habileté politique, c'est de... parce qu'on s'attaque à une société de privilèges, à une classe privilégiée, les membres de ces clubs qui ont du pouvoir, un pouvoir économique, un pouvoir politique. On va leur dire, écoutez, on vous enlève rien. Vous pouvez continuer de pêcher, chasser sur le territoire où vous êtes, mais la différence, c'est que maintenant, monsieur, madame, tout le monde vont pouvoir aussi. C'est plus un club privé, donc vous pouvez continuer de pêcher, chasser. Un club public. Exactement. Bon. Revenons sur la situation aujourd'hui, parce qu'effectivement, elle est intéressante, puis elle nous amène à nous demander si on n'assiste pas, d'une certaine manière, à une forme de retour à l'époque des clubs privés. On en parle dans un instant, mais juste avant, je vous propose d'écouter une déclaration qui a été faite en commission parlementaire par le ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, le 1er mai 2018, Luc Blanchette. Il y est question de pêche au saumon de l'Atlantique dans le Grand Nord du Québec. Comme c'est dans le Grand Nord, on veut favoriser les retombées économiques autant que faire se peut. Et on sait que le saumon d'Atlantique, lorsqu'on se rend soit par avion, la plupart du temps étant donné les endroits isolés qu'il faut que ça se rende, on voulait maximiser les retombées économiques. Donc, d'où la réglementation de un peu forcer les gens qui se rendent à ce type de pêche-là, qui est une pêche, disons-le, de luxe, entre guillemets, à utiliser les services d'hébergement déjà structurés. Vous savez, le Grand Nord, c'est pas une clientèle de Walmart, là. C'est vraiment une clientèle triée sur le volet. Et la maximisation des retombées économiques, c'était le but visé. On va avoir un type de pêche spécifique, donc on a resserré les liens et on a demandé aux gens qui y allaient à la pêche de pouvoir utiliser des infrastructures d'hébergement là-bas. Cette déclaration du ministre libéral des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, en mai 2018, n'était pas passée inaperçue. Jean-François Nadeau, on comprend bien pourquoi. L'image, entre autres, de la clientèle du Walmart, ça avait choqué. Oui, un 1er mai, jour de la fête des travailleurs, parler des gens ordinaires comme une clientèle de Walmart, disons que c'était un peu fort de café. Mais ça nous dit quoi sur la situation actuelle est-ce qu'il n'y a pas un retour, effectivement, une espèce de retour en arrière quand on parle de ces expéditions de pêche qui ne sont pas accessibles à tout le monde? Oui, mais qui ne sont pas dans le Grand Nord, comme le ministre le disait. Ce n'est pas si loin que ça. Là. Le Grand Nord, c'est autre chose que ça. Hein? Alors, il y a une idée d'une mise à distance du territoire pour la plus grande population en leur disant « Vous allez là où on vous dit d'aller et on va utiliser le territoire pour en faire essentiellement un engrais économique. » Alors, il y a autre chose dans la nature que ça. On le comprend de mieux en mieux aujourd'hui, bien que ce soit une idée qui soit dans le paysage de la pensée depuis bien plus longtemps que ça, on comprend que c'est pas juste prélever pour gagner de l'argent contre le gré de la nature ou de la forêt ou de son extension ou de ce que cela peut nous apporter. Donc, il y a quelque chose d'un peu de tordu au royaume du Danemark, en l'occurrence au Québec, de voir cette très vieille idée des clubs de chasse et pêche se muter et se reconfigurer selon des modalités qui sont somme toute assez similaires au fil des décennies. Et voir ça, les gens avaient été estomaqués de voir le ministre déclarer ça au mois de mai 2018. Ça semblait sortir tout droit du 19e siècle. Mais la situation actuelle, c'est quoi? C'est qu'il y a comme deux régimes parallèles, les parcs, le régime public, puis encore quelques poches, des petits paradis, pour reprendre cette image-là, qui sont réservés à l'élite qui peut se les payer? Oui, un peu partout, ça existe. Si vous promenez en Gaspésie, vous croiserez des gens habillés de beaux habits verts avec des canots au plat bord en bois dignement sculptés, avec des guides qui s'empressent de prendre des photos sitôt que le saumon sera sorti de la rivière, qu'on remettra à l'eau, monsieur ou madame ayant pêché le saumon, ne le tenant que le temps de la photo. Il y aura un peu tout ça encore, tout en voyant le service public de façon générale un peu nier cette réalité-là qui continue d'exister. Bien sûr, on est dans une période où la nature est revue sous un angle nouveau, mais les problèmes dont il est question durent depuis très, très longtemps et les termes avec lesquels on les envisage perdurent dans le temps de façon étonnante. C'est pour ça, je pense, qu'il est intéressant de rappeler l'histoire des clubs privés au Québec. Ça nous en dit très long, pas seulement sur la nature, mais sur notre façon d'envisager nos rapports sociaux. Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Devoir, merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.